jolie brune pétillante, toujours aussi craquante. Un regard de braise glaciale, je me perds dans ses opales, que mes lèvres les tiennent, j'y perdrai la raison, que ma main prenne la tienne, je sens le bonheur dans mes vaisseaux. Pour un oui, pour un non, je clamerai ton nom. Pour un oui, pour un non, j'oublierai la raison. Pour un oui, pour un non, je deviendrai fou. Pour un oui, pour un mot, j'avouerai mon amour. Je suis la moqueuse, la dame aventureuse. Je suis ce que je suis, je ris comme j'ai envie. J'ai beau faire des kilomètres, rencontrer des gens comme toi, il reste dans ma tête, je l'aime et c'est comme ça. J'aurais pu, j'aurais voulu, c'est comme elle, mal foutu. J'aurais pu, j'aurais voulu, si au moins je l'aimais plus. J'ai vidé ma raison, je sais bien que c'est con. Faut pas être déçu avec ça.